Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ce qui irritait Madame Simone, l'irritait pire que ça. « Je souffre tellement, disait-elle, quand on ne fait pas les liaisons. Dans les vers raciniens, il faut faire les liaisons. » Et puis, mais cela va sans dire, encore que, surtout ne pas jouer le songe d'Athalie comme on le ferait d'un fait divers. Lorsque vous racontez vos rêves, vous ne leur donnez pas un côté réaliste. Vous devez les laisser dans une lumière brumeuse. Les conseils de Madame Simone étaient toujours excellents. L'art du comédien qui suit, diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 15 octobre 1957, le prouve. Aujourd'hui, nous allons travailler une scène célèbre que vous avez tous dans l'oreille, qui est la scène du songe d'Athalie, la fameuse scène du songe. C'est Mademoiselle Josette Boulevard qui va jouer Athalie et c'est Monsieur Jean Gilibert qui va lui donner la réplique dans Abner. Comme nous manquons d'un matin, mon Dieu, je vais tout simplement leur donner la réplique, alors vous ne vous étonnerez pas d'entendre dans le rôle du grand prêtre de Bâle une voix de femme, une voix de femme enrhumée d'ailleurs. Alors, ce que je tiens à vous signaler, c'est que Mademoiselle Josette Boulevard qui va travailler avec nous et Monsieur Jean Gilibert sont des acteurs qui connaissent déjà admirablement leur métier. Ils viennent de jouer Médée au théâtre de l'Alliance française, mais moi je leur ai vu jouer Médée deux fois dans la cour de la Sorbonne, il y a de ça 3 ans et 4 ans. Ils ont remporté chaque fois un immense succès. Alors vous allez donc avoir l'agrément d'entendre déjà des acteurs émérites travailler pour un perfectionnement, ce qui est tout de même la chose la plus intéressante quand on n'a pas à veiller à des choses de métier qui sont les premières, le premier travail auquel les comédiens doivent se livrer, quand au contraire on aborde un travail de perfectionnement. Alors je vous écoute tous les deux. Madame, pardonnez si j'ose le défendre. Le zèle de Joad n'a point dû vous surprendre. Du Dieu que nous servons, tel est l'ordre éternel. Lui-même, il nous traça son temple et son autel. Aux seuls enfants d'Araon commit ses sacrifices. Aux Lévites marqua leur place et leurs offices. Et surtout défendit à leur postérité, avec tout autre Dieu, toute société. Et quoi ? Vous, de nos rois et la femme et la mère, êtes-vous à ce point parmi nous étrangères ? Ignorez-vous nos lois ? Et faut-il qu'aujourd'hui... Voici votre matin, je vous laisse avec lui. Votre présence, Abner, est ici nécessaire. Laissons là de Joad l'audace téméraire et tout ce vain amas de superstition qui ferme votre temple aux autres nations. Un sujet plus pressant excite mes alarmes. Je sais que dès l'enfance élevé dans les armes, Abner a le cœur noble et qu'il rend à la fois ce qu'il doit à son Dieu, ce qu'il doit à ses rois. Demeurez. Grande reine, est-ce ici votre place ? Quel trouble vous agite et quel froid vous glace ? Parmi vos ennemis, que venez-vous chercher ? De ce temple profane, osez-vous approcher ? Avez-vous dépouillé cette haine si vive ? Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive. Je ne veux point ici rappeler le passé, ni vous rendre raison du sang que j'ai versé. Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru le devoir faire. Je ne prends point pour juge un peuple téméraire, quoique son insolence ait osé publier. Le ciel même a pris soin de me justifier. Sur d'éclatants succès, ma puissance établie a fait jusqu'aux deux mers respecter Athalie. Par moi, Jérusalem goûte un calme profond. Le Jourdain ne voit plus l'arabe vagabond, ni l'altier philistin par d'éternels ravages, comme autant de vos rois désolés ses rivages. Le Syrien me traite de reine et de sœur. Enfin, de ma maison, le perfide oppresseur qui devait jusqu'à moi pousser sa barbarie. Jéhu, le fier Jéhu, tremble dans Samarie, de toutes parts, pressé par de puissants voisins que j'ai su soulever contre cet assassin. Il me laisse en ces lieux souveraine maîtresse. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse. Mais un trouble important vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours. Un songe. Me devrais-je inquiéter d'un songe ? Entretient en mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, Jézabel, devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Même elle avait encore cet éclat emprunté, dont elle eut soin d'orner et peindre son visage, pour réparer des ans l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit a paru se pencher. Et moi je lui tendais les mains pour l'embrasser, mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traînée dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Grand Dieu ! Dans ce désordre, à mes yeux, se présente un jeune enfant, couvert d'une robe éclatante, telle qu'on voit des Hébreux les prêtres revêtus. Sa vue a ranimé mes esprits abattus. Mais lorsque, revenant de mon trouble funeste, j'admirais sa douceur, son air noble et modeste, j'ai senti tout à coup un homicide acier que le traître en mon sein a plongé tout entier. Peut-être du hasard le bizarre assemblage de tant d'objets divers vous paraît un ouvrage. Peut-être du hasard vous paraît un ouvrage. Moi-même, quelque temps honteuse de ma peur, je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. Mais de ce souvenir, mon âme possédée a deux fois, en dormant, revu la même idée. Deux fois, mes tristes yeux se sont vus retracer ce même enfant toujours tout prêt à me percer. Lasse enfin des horreurs dont j'étais poursuivi, j'allais prier Baal de veiller sur ma vie et chercher du repos au pied de ses autels. Que ne peut la frayeur sur l'esprit des mortels? Dans le temple des Juifs, un instinct m'a poussé, et d'apaiser leur Dieu, j'ai conçu la pensée. J'ai cru que des présents calmeraient son courroux, que ce Dieu, quel qu'il soit, en deviendrait plus doux. Pontife de Baal, excusez ma faiblesse. J'entre. Le peuple fuit. Le sacrifice cesse. Le grand prêtre vers moi s'avance avec fureur. Pendant qu'il me parlait, oh surprise, oh terreur, j'ai vu ce même enfant dont je suis menacé, tel qu'un songe effrayant l'a peint à ma pensée, je l'ai vu, son même air, son même habit de lin, sa démarche, ses yeux et tous ses traits enfin. C'est lui-même. Il marchait à côté du grand prêtre, mais bientôt à mes yeux on l'a fait disparaître. Voici quel trouble ici m'oblige à m'arrêter, et sur quoi j'ai voulu tous deux vous consulter. Que présage m'attend ce prodige incroyable? Voilà. Nous allons nous arrêter là parce qu'il y a déjà un bon travail à faire là-dessus. C'est bien naturellement, vous savez très bien que vous êtes une tragédienne, vous l'avez prouvé. Voilà, c'est toujours la même chose, là sont des questions d'interprétation, mais en tout cas il y a des questions de métier dont je vais d'abord vous entretenir parce qu'elles sont urgentes et indiscutables. D'abord les liaisons, faites vos liaisons, je souffre tellement quand on ne fait pas les liaisons. Ça nous fait des vers faux. Ça nous fait des vers chaotés. Vous avez pris évidemment l'habitude de jouer des textes, en ce moment-ci, de jouer un texte en prose, une magnifique et superbe prose. Est-ce que c'est ça qui fait que vous ne faites pas les liaisons? Vous savez, dans le vers racinien, d'ailleurs, toujours, c'est indispensable. Il n'y a pas de belle diction sans ça. Alors ça, c'est un fait, mais enfin, c'est une pure question de métier, je n'insiste pas. Ensuite, il y a eu un escamotage de votre voix, que j'aime tant. Pourquoi? Vous avez cessé de jouer sur le timbre tout à coup. Vous êtes rendu compte? Oui, je me suis rendu compte parfaitement. Et est-ce que vous le vouliez ou est-ce que c'est de l'émotion? Non, pas tellement. Ce que j'ai surtout essayé, c'est de ne pas faire du songe une chose vocale. Vous avez très très bien fait, c'est indispensable. À mon avis, l'erreur qu'on commet toujours, c'est qu'on joue ça en effet comme un fait divers, comme si on avait vu une automobile écraser quelqu'un dans la rue. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui a l'habitude de rêver, mais moi qui ai le vice de rêver énormément et des rêves cohérents, j'ai la triste manie, pour ceux qui déjeunent avec moi, de les raconter à table. Alors je sais très bien comment on raconte les rêves, qu'ils soient favorables ou défavorables. Eh bien, certainement, on ne raconte pas un rêve comme on raconte un fait. C'est tout de même quelque chose qui se passe dans un univers particulier, mystérieux, et le ton n'est pas le même que pour relater un fait dont on a été témoin. Je crois qu'en général, l'erreur qu'on commet toujours quand j'ai entendu jouer Athalie, c'est ça, c'est qu'on veut donner à ça un relief qui est le relief de la vie, alors que ça ne doit pas avoir le relief de la vie, ça doit au contraire avoir le côté brumeux des songes, quelle que soit l'horreur et la terreur que lui inspire ce rêve, ou le désespoir quand elle revoit sa mère. Tout ceci doit être indiqué, doit passer dans une lumière, dans cette espèce de lumière fulgineuse qui est la lumière du rêve. Alors là, vous avez très très bien fait, mais malgré tout, pour pouvoir introduire les nuances qui sont nécessaires, il faut que vous gardiez votre timbre. Oui. Et là, il y a la difficulté. De même, garder la musique. Alors ça, c'est pour, je le dis pour M. Gilibert, qui dit bien Abner, mais avec des sens trop arrêtés, constamment, si bien que le Veracinien souffre. Il faut tout de même le prendre d'une façon, je ne dirais pas plus musicale, mais moins formelle. Pas vous dites, madame, pardonnez si j'ose le défendre. Le zèle de Joad n'a point dû vous surprendre. Du Dieu que nous servons, tel est l'ordre éternel. Il y a malgré tout, vous voyez, dans ce que je fais là, quelque chose qui est légèrement musical. Il le faut toujours quand vous abordez le Veracinien. Mais vous êtes exactement dans le même cas que Josette. Vous venez de jouer des choses qui sont admirablement traduites du grec, une très belle prose et qui, au contraire, a besoin de sens arrêté. Mais dès que vous abordez ceci, il faut au contraire que vous adoptiez un ton qui est un ton beaucoup plus musical. Alors vous allez reprendre ça, l'un et l'autre, et nous allons nous arrêter au fur et à mesure où nous rencontrons un obstacle. Je crois que c'est le seul moyen que nous fassions un progrès. Alors pour vous, voyez-vous, Jean Gilibert, c'est surtout ça. C'est le seul reproche que j'ai à vous faire. D'ailleurs, le rôle est simple. Là, le sentiment est tout uni. Mais un sens moins arrêté à la fin de chaque vers, un sens plus suspendu qui vous permet tout de même quelque chose de plus musical et plus large. Alors je vous écoute. Madame, pardonnez si j'ose le défendre. Le zèle de Joad n'a point dû vous surprendre. Un petit peu plus accentué, les mots, un petit peu plus accentué, plus ferme. C'est un soldat, n'est-ce pas ? Madame, pardonnez si j'ose le défendre. Le zèle de Joad n'a point dû vous surprendre. Du Dieu que nous servons, tel est l'ordre éternel. Lui-même, il nous traça son temple et ses autels. Et son Alors, voyez-vous, ce sont des sens trop arrêtés. Le zèle de Joad n'a point dû vous surprendre. Du Dieu que nous servons, tel est l'ordre éternel. Lui-même, il nous traça son temple et son autel. Aux seuls enfants d'Aaron commis ses sacrifices. Aux Lévites marqua leur place et leurs offices. Et surtout, défendit à leur postérité avec tout autre Dieu, toute société. C'est en somme une proposition qui va jusqu'à société. Mais jusqu'au point final de société, les sens de chaque vers sont des sens suspendus. Tandis que vous dites, lui-même il nous traça son temple et son autel. Aux seuls enfants d'Aaron commis ses sacrifices. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Très bien, madame. Alors, essayez de le faire, c'est très important. Madame, pardonnez si j'ose le défendre. Le zèle de Joad n'a point dû vous surprendre. Du Dieu que nous servons, tel est l'ordre éternel. Lui-même, il nous traça son temple et son autel. Aux seuls enfants d'Aaron commis ses sacrifices. Aux Lévites marqua leur place et leurs offices. Et surtout défendit à leur postérité avec tout autre Dieu, toute société. Et quoi ? Vous, de nos rois et la femme et la mère... Voyez-vous, nos rois et, c'est défendu, c'est dans un bien, vous faites un hiatus. Vous, de nos rois et la femme et la mère... Et quoi ? Vous, de nos rois et la femme et la mère, êtes-vous à ce point parmi nous étrangères ? Bien. Ignorez-vous nos lois ? Et faut-il qu'aujourd'hui... Voici votre matin, je vous laisse avec lui. Votre présence, Abner, est ici nécessaire. C'est très bien ça. Voyez-vous, c'est une très bonne attaque. Et vraiment comme une impératrice. Tout ça tombe de très très haut. Votre présence, Abner, est ici nécessaire. Laissons là déjà de l'audace téméraire et tout ce vain amas de superstition qui ferme votre temple aux autres nations. Un sujet plus pressant excite mes alarmes. Très large. Oui. Votre présence, Abner, voilà. Est ici nécessaire. Très bien. Laissons là de Joad l'audace téméraire et tout ce vain amas de superstition qui ferme votre temple aux autres nations. Un sujet plus pressant. Alors, il faut un petit temps et une autre attaque. Oui, oui. Et là, la voix change. Oui, oui. Votre présence, Abner, est ici nécessaire. Laissons là de Joad l'audace téméraire et tout ce vain amas de superstition qui ferme votre temple aux autres nations. Un sujet plus pressant excite mes alarmes. Je sais que dès l'enfance... Je sais, alors là aussi, voyez-vous, une autre attaque. Je sais que dès l'enfance, élevé dans les armes, Abner a le cœur noble et qu'il rend à la fois ce qu'il doit à son Dieu, ce qu'il doit à ses rois. Demeurez. Un sujet plus pressant excite mes alarmes. Je sais voilà. Que dès l'enfance, élevé dans les armes, Abner a le cœur noble et qu'il rend à la fois ce qu'il doit à son Dieu, ce qu'il doit à ses rois. C'est ça, accentuer davantage encore, si vous, ce qu'il doit à son Dieu, ce qu'il doit à ses rois. Demeurez. Serrez votre accentuation. Voulez-vous le reprendre, oui, votre oui. présence, Abner? Votre présence, Abner, est ici nécessaire. Laissons là de Joad l'audace téméraire et tout ce vain amas de superstition qui ferme votre temple aux autres nations. Un sujet plus pressant excite mes alarmes. Je sais que dès l'enfance, voilà. Élevé dans les armes, Abner a le cœur noble et qu'il rend à la fois ce qu'il doit à son Dieu, ce qu'il doit à ses rois. Bien. Demeurez. Grand reine, est ici votre place? Quel trouble vous agite et quel froid vous glace? Parmi vos ennemis, que venez-vous chercher? De ce temple profane, osez-vous approcher? Avez-vous dépouillé cette haine si vive? Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive. Et c'est alors vous les faites bien taire. Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive. Et c'est un vers large et là avec un sens arrêté. Alors ce que vous pouvez faire, voyez-vous, c'est toujours la même chose. Vous pouvez attaquer vivement, mais à la minute où vous avez attaqué vivement, vous reprenez oui. votre rythme large. Oui, oui. Prêtez-moi, vous les faites taire. Comme vous diriez, chut, prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive. Très accentuée. Alors, je vous donne la réplique. De ce temple profane, osez-vous approcher? Avez-vous dépouillé cette haine si vive? Prêtez-moi l'un et l'autre bien. Une oreille attentive. Bien. Je ne veux point ici rappeler le passé. Alors là, voyez-vous, vous, ce que vous voulez leur dire... C'est le rêve, ce que vous voulez oui, le raconter, oui, oui, c'est le songe. Oui. Alors, ce qui précède, vous le dites d'une façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus oui. ramassée. À l'intérieur du oui. morceau, vous rappelez en effet le passé. Oui. Elle dit « Je ne vais pas ici rappeler le passé ». Elle le rappelle, comme mm-hmm. toujours, quand les gens disent « Je ne vous dirai pas ce qui s'est passé », on est sûr qu'il y en a pour une heure. Alors, faites ce signe. À partir de ce moment-là, vous ramassez ce que vous avez à dire. À l'intérieur du morceau, vous prendrez les temps que nous allons voir que vous devez prendre ou les lumières qu'il faut projeter sur certains morceaux. Mais le parti pris est un parti pris de ramasser les vers. Je ne veux point ici rappeler le passé ni vous rendre raison du sang que j'ai versé. Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru le devoir faire. Je ne prends point pour juge un peuple téméraire, quoique son insolence ait osé publier, le ciel même a pris soin de me justifier. Sur d'éclatants succès, ma puissance établie, c'est plus large. Mais là, le début, c'est en somme un morceau que vous roulez comme oui. ça rapidement. D'ailleurs, l'inquiétude n'est pas là. Non, non, elle veut déblayer oui, ça. Elle rappelle simplement, en effet, ce qu'elle a fait. Elle affirme sa puissance, elle affirme en somme même sa diplomatie, son habileté, sa cruauté, tout ce que vous voulez, enfin, son sens politique. Pour arriver alors à ce qui est la chose qui l'a amenée. Et c'est d'ailleurs autant pour elle-même, pour c'est se rassurer, ça. Car elle c'est est dans ça. Un moment d'angoisse. Et puis un petit peu pour le public aussi, okay. pour l'auteur, quant à l'auteur. De ce temple profane, osez-vous approcher? Avez-vous dépouillé cette haine si vive? Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive. Bien. Je ne veux point ici rappeler le passé, ni vous rendre raison du sang que j'ai versé. Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru le devoir faire. Le devoir. Voilà l'accentuation. Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru le devoir faire. Ce que j'ai fait, Abner, J'ai cru le devoir faire. Bien. Je ne prends point pour juge un peuple téméraire. Quoique son insolence ait osé publier, le ciel même a pris soin de me justifier. Bien. Sur d'éclatants succès... Alors là, voyez-vous, vous relevez le ton encore. Sur d'éclatants succès... Sur d'éclatants succès, ma puissance établie a fait jusqu'aux deux mers respecter Athalie. Allons respecter Athalie, la liaison. Sur d'éclatants succès, ma puissance établie a fait jusqu'aux deux mers respecter Athalie. Par moi, Jérusalem goûte un calme profond. Le Jourdain ne voit plus l'arabe vagabond, ni l'altier philistin par d'éternels ravages, comme autant de vos rois désolés ses rivages. Le Syrien me traite et de reine et de sœur. Enfin, de ma maison, le perfide oppresseur, qui devait jusqu'à moi pousser sa barbarie. Jéhu, le fier Jéhu, tremble dans Samarie. De toutes parts, pressé par de puissants voisins, que j'ai su soulever contre cet assassin, il me laisse en ces lieux... Souveraine maîtresse, je jouissais en paix. Alors là, ça c'est l'importance, la charnière. Là que ça commence. Il me laisse en ces lieux, souveraine maîtresse. Je jouissais, tout à fait, c'est déjà le ton du songe, en paix du fruit de ma sagesse. Mais un trouble important vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours. Déjà, le mystère commence comme quand les gens vous disent « Je vais vous raconter une histoire de table tournante absolument extraordinaire. » Avant qu'il n'ait commencé de vous raconter l'histoire des tables tournantes, la manière dont il vous l'annonce est déjà le ton du mystère. Mmh. Et alors, déjà dans ces quelques vers, vous devez marquer que vous abordez un autre domaine. Alors, bien large, n'est-ce pas ? Il me laisse en ces lieux souveraine maîtresse. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse. Mais un trouble important. Voilà le temps qu'il faut trouver. D'ailleurs, vous l'aviez pressenti puisque vous le faisiez dans le songe. En somme, vous n'avez qu'à avancer un peu ce que vous vouliez faire. Mais je n'avais pas pris cela comme ça. Mais... Ah oui, qu'est-ce que vous vouliez faire? Oui, j'avais essayé justement. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse. Oui. Je pense au songe, au songe, mais c'était vraiment une espèce de... Elle se rassure, oui, c'était comme ça. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse, d'une chose bien assise. Oui. C'était en elle, elle était accrochée à ça. Oui. Et après, le songe démarrait tout doucement, oui. Tout doucement, lentement. Il me semble, vous savez, c'est très difficile toujours, parce que ce sont des questions d'appréciation et je dirais presque d'inspiration. Mais encore une fois, je parle au nom d'une personne qui rêve toutes les nuits, des rêves compliqués et qui inflige à ses proches de les entendre le lendemain. C'est comme une experte que je vous parle de la manière de raconter les rêves. Je crois que j'ai raison. Je crois vraiment que j'ai raison. D'ailleurs, si je pouvais vous refaire ce que vous faites et ce que je veux faire moi, vous verriez vous-même ce que vous préférez. Alors, en somme, votre interprétation à vous est la suivante. Il me laisse en ces lieux souveraine maîtresse. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse. C'est ça ce que vous voulez non, faire. C'est pas non, ça. Alors dites-moi. Je voulais mettre dedans, je ne sais pas, je ne l'ai certainement pas fait. Mais une sorte d'angoisse ultime, vraiment, parce que, je trouve que... Faites-le, exécutez-le. Ah, ça, c'est bien difficile. Exécutez-le. C'est difficile, c'est sûrement que je l'ai raté. Non, exécutez-le. Le Syrien me traite et de reine et de sœur. Perdez pas le mouvement, et de reine et de sœur. Le mouvement est vif, mais l'accentuation est forte à l'intérieur du mouvement. Le Syrien me traite et de reine et de sœur. Enfin, de ma maison, le perfide oppresseur, qui devait jusqu'à moi pousser sa barbarie. Jéhu, le fier Jéhu, tremble dans Samarie. De toutes parts, pressé par de puissants voisins, que j'ai su soulever contre cet assassin, il me laisse en ces lieux, souveraine maîtresse. Bien. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse. Mais un trouble important vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours. Voyez-vous pourquoi j'objecte à ça ? C'est que vous accentuez très fortement « je jouissais en paix du fruit de ma sagesse ». Et alors ça ne donne pas du tout l'impression d'une terreur qui monte. Oui. Ça donne plutôt l'impression de quelque chose de coléreux, nuancé. Ce que je vous dis là est gros, mais la nuance est la nuance plutôt de la colère ou de la rancune. Tandis que c'est la peur qui commence. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, tout à fait d'accord, parce que je pense que c'est là que la chose se passe. Je crois que c'est beaucoup, il me semble que c'est beaucoup, beaucoup plus frappant. Il me laisse en ces lieux souveraine maîtresse. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse, mais un trouble important vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours. Un songe. Devrais-je m'inquiéter d'un songe ? Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. Et alors là, tout à fait dans le ton, quand c'était pendant l'horreur, je ne sais pas ce qui est arrivé, c'était tellement extraordinaire, c'était la nuit, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tandis qu'on entend toujours dire c'était pendant l'horreur. Ah oui, oui, oui. Une profonde nuit. Oui, oui, puis trois fois dévorant aussi. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Eh bien, il paraît que la pendule nous oblige à nous arrêter. Mais nous allons être d'accord très vite, vous allez voir. N'est-ce pas ? Vous allez penser à ce que je vous ai dit, vous allez le travailler dans ce sens-là, et nous allons le reprendre la prochaine fois. Merci, voilà, bien. Merci beaucoup. La radiodiffusion Télévision Française vous a présenté l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Josette Boulva a travaillé Athalie, de la tragédie de Racine, la scène du songe, avec Jean Gilibert qui lui donnait la réplique dans Abner. Réalisation Georges Godbert. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Well, the sun is gone down and you're uptown. You just bow, running around. A game hall is standing. You trouble me, I can't hardly stand it. It just can't be. Well, you don't know a bit about the beer, so you got me all tore up, all tore up. You say you threw it away. You said. Can't be. Well, you don't.